chacalin de Londres. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Yo kanga yito sambo. Mokili ango vraiment boye. Na vivre pénal marqué. La vie vraiment, vraiment boye. Ozu ya mingi balobi mouyeke. Mozanga pe ya mingi oho. Nabakwe makita seko basiki kakayo. Michael Jackson, Ramo Pao, Elvis. Elvis Presley, yo canta. O Kiliango, vraiment boye. La vie vraiment a remarqué. La vie vraiment, vraiment boye. Ozu ya mingi balobi mouyeke. Mozanga pe ya mingi oho. Nabakwe makita seko, basi tika kanyo.